Extrait du chapitre 118, intitulé par Voltaire « Idées générales du XVIe siècle ». Le commencement du XVIe siècle nous présente à la fois les plus grands spectacles que le monde ait jamais fournis. Si on jette la vue sur ceux qui régnaient pour lors en Europe, leur gloire ou leur conduite, ou les grands changements dont ils ont été cause, rendent leur nom immortel. C'est à Constantinople un Sélim qui met sous la domination ottomane la Syrie et l'Égypte, dont les Mahométans mamelouks avaient été en possession depuis le XIIIe siècle. C'est après lui son fils, le grand Soliman, qui est le premier des empereurs turcs, marche jusqu'à Vienne et se fait couronner roi de Perse dans Bagdad, prise par ses armes, faisant trembler à la fois l'Europe et l'Asie.